l'argent, avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'argent est un outil sur le plan matériel qui a pour fonction de faire des échanges d'énergie entre humains. L'individu qui se conscientise va apprendre à gérer l'argent avec intelligence, comme il doit faire une gestion adéquate de sa psyché par rapport aux pensées qui lui sont acheminées par les entités des plans astraux et mentaux. L'individu conscient sera libre de la forme que représente l'argent, en ce sens qu'il ne vivra pas au service de l'argent, mais qu'il se servira de l'argent avec intelligence. Ainsi, sa priorité dans sa vie sera son bien-être et non pas d'accumuler de l'argent. Donc, l'argent n'est pas vu comme une fin, mais plutôt comme un moyen. Dans le même sens, le but de l'esprit n'est pas que l'individu devienne très riche, mais plutôt qu'il évolue continuellement. Ainsi, si l'argent nuit à son évolution, il peut mettre en place un scénario de vie où il vivra de la pauvreté. Par contre, s'il désire que sa contrepartie terrestre, c'est-à-dire l'âme incarnée dans la matière, réalise des inventions ou des voyages, il peut s'organiser pour créer des opportunités dans sa vie qui vont lui donner accès à des moyens financiers en conséquence. L'individu conscient ne cherchera pas à vivre dans la pauvreté pour rejeter la matière, dont l'argent, au profit d'une élévation spirituelle, comme l'ont fait des religieux et des maîtres spirituels dans le passé. Il va plutôt désirer gérer sa relation avec la matière et l'esprit d'une manière intelligente pour avoir une vie intégrale et prospère. Ainsi, il va œuvrer à être à l'aise sur le plan financier sans pour autant effectuer n'importe quoi pour obtenir cette aisance. Donc, il ne se mettra pas au service de forces astrales dans l'espoir de devenir rapidement riche et il aura un sens éthique. Le rapport de l'individu conscient avec l'argent va être vécu en fonction de ses besoins réels plutôt que de désirs provenant du plan astral. Ainsi, il ne sera pas intéressé à surconsommer et à s'endetter pour éventuellement s'appauvrir. Il ne sera pas sous l'emprise du désir d'acheter compulsivement que pourraient lui insuffler des entités étant donné qu'il sera libre de leur influence de par sa force mentale lui permettant de se distancer d'elle. Comme il va ressentir un état de plénitude, se rapportant au ressenti de la vibration de son esprit, il ne sera pas intéressé à consommer pour compenser la présence d'un vide à l'intérieur de lui. Ainsi, il aura une volonté suffisamment forte pour ne pas se laisser manipuler par la publicité et les pressions de la société de consommation visant à le pousser à acheter continuellement. Plus l'individu sera conscient et plus il sera capable de gérer avec intelligence son argent de manière à éviter les pertes inutiles et à favoriser sa prospérité financière. Il ne cherchera pas à s'enrichir au détriment des autres, mais plutôt à le faire dans le but d'être capable de répondre à ses besoins adéquatement et de favoriser son autonomie et son indépendance financière. Il ne voudra pas dépendre de l'argent des autres, car cela le placerait dans une position de vulnérabilité à l'égard d'autrui qui pourrait nuire à sa liberté et à sa paix mentale. Il est important de comprendre que même si l'individu effectue tous les efforts possibles pour favoriser sa prospérité financière, il peut être confronté néanmoins à des difficultés économiques étant donné que sa vie n'est pas totalement sous son contrôle en tant qu'ego. Par contre, de se mettre en action pour gérer adéquatement ses finances peut tout au moins procurer la satisfaction personnelle d'avoir effectué des efforts conscients pour améliorer son sort. Ainsi, cela s'avère propice au développement d'une force de volonté qui pourra être utilisée par la suite pour favoriser sa liberté mentale. Si la personne est capable de se retenir pour acheter en vue de ne pas s'endetter, cela peut favoriser sa capacité de dire non et de se distancer à volonté de toutes les sollicitations auxquelles elle s'avère exposée sur le plan physique, psychologique et psychique, dont elle juge impertinente à répondre à ses besoins réels. Donc, cela pourrait l'amener à se distancer des sollicitations d'entités astrales qui pourraient l'amener à adopter des comportements allant à l'encontre de son développement et de celui des autres. Si une personne est capable de dépenser moins qu'elle gagne et d'utiliser l'argent en surplus pour effectuer des placements boursiers ou d'obligations ou d'investir dans l'immobilier avec discernement, cela peut favoriser son enrichissement dans l'optique que ses placements prennent de la valeur avec le temps. Si elle suit ce principe pendant une longue période de temps, en dépit des pensées astrales qui cherchent à l'amener à dépenser, cela témoigne de sa force de volonté. Par contre, cet individu ne doit pas être rigide dans l'application de ce type de principe, en ce sens que si il a, à un moment donné, la vibration de son esprit d'acheter quelque chose qui n'est pas prévu dans son budget, il est capable de le faire aussi, car cela peut lui donner accès à une opportunité qui va favoriser et accélérer son évolution. Par exemple, s'il a la vibration d'acheter un billet pour assister à une conférence portant sur la conscience, alors que ce n'était pas prévu dans son budget, il est possible qu'il y rencontre une personne qui va devenir son amie et participe à son développement par la suite. Ainsi, au-delà de l'application d'un principe favorisant l'enrichissement, qui représente une forme, il y a l'écoute de la sensibilité vibratoire qui doit avoir préséance sur elle. Donc, il faut demeurer ouvert d'esprit pour ne pas être piégé dans un système s'appuyant sur des principes, bien que ces derniers peuvent donner une direction à l'existence. Voilà une nuance importante à faire. Pour favoriser sa prospérité financière, l'individu qui se conscientise peut questionner son esprit en vue de l'amener à lui donner de l'information pertinente en vue de son enrichissement. Il ne perd rien à s'informer auprès de lui. Bien entendu, comme par rapport à n'importe quels autres individus ou entités, il doit exercer son esprit critique. Cela s'applique à l'égard de tout ce qu'il peut lui proposer comme comportement à partir des pensées qu'il lui envoie. Dans le meilleur des cas, son contact avec l'esprit pourrait lui donner accès à des idées nouvelles qu'il pourrait mettre en application dans sa vie en vue de s'enrichir. Par contre, si ce dernier ne lui propose rien d'intelligent pour favoriser sa prospérité financière, ou qu'il lui dit que ce n'est pas le temps de s'enrichir, eh bien, il peut lui demander quelle est l'utilité par rapport à son évolution personnelle de ne pas être plus riche. Dans certains cas, il est préférable que la personne n'ait pas accès à une prospérité financière rapidement parce que les difficultés financières l'amènent à être moins orgueilleuse et plus ouverte au changement et à davantage se remettre en question que si elle devient riche facilement. Ainsi, c'est parfois à travers une période de difficultés financières qu'elle va être plus ouverte à écouter la voix de son esprit, alors que lorsque cela va bien, sur le plan financier, elle n'est pas intéressée à tenir compte de son point de vue. De toute manière, peu importe ce que l'individu reçoit ou non de l'esprit comme information, par rapport au volet financier de sa vie, il demeure toujours pertinent qu'il garde en tête qu'il peut utiliser tous les moyens à sa portée pour agir en vue d'améliorer son sort sur le plan économique. Cela peut être de rencontrer des conseillers financiers et de rechercher de l'information sur Internet et dans des livres sur l'aspect économique. Il est nécessaire de garder ces moyens concrets en conscience parce que la plupart des gens qui vivent la fusion avec l'esprit de l'époque actuelle sont au début du processus et du développement de leur capacité à dialoguer de manière intelligente et critique avec les entités astrales et mentales. Cette situation les met dans une position de vulnérabilité à leur égard, où ils peuvent être sujets à de nombreuses influences du plan astral et mental. Donc, la prudence est de rigueur et il est important de ne pas croire tout ce qu'ils disent. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte portant sur l'argent.